l'amour m'enchaîne. Toi, la raison de ma vie. Aujourd'hui, qu'importe ma peine. Tu l'aimes, tu t'en vas, je t'aime. Je dépose les armes. Moi, je m'en vais dans la nuit. Aujourd'hui, qu'importe mes larmes. Tu l'aimes, tu t'en vas, je t'aime. Pour moi, la saison morte.